de croire que les mathématiques sont simples, c'est parce qu'on ne réalise pas à quel point la vie est compliquée. Ainsi parlait le mathématicien John von Neumann. Jugé trop abstrait, trop hermétique, réservé à une élite, les préjugés sur les mathématiques ont la peau dure. Pourtant, si l'on prend le temps de regarder le monde qui nous entoure avec curiosité, on ne peut trouver qu'un seul point commun entre Météo France, la géométrie, la musique ou le tir d'un pénalty, et ce sont les mathématiques. C'est donc à ce défi de nous faire voir le monde en maths que se sont livrés avec succès nos deux invités du jour dans leur beau livre « Dingue de maths ». Les maths mondes, c'est le voyage dans l'univers mathématique que nous allons accomplir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de l'univers mathématique dans lequel nous évoluons chaque jour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Avner Barène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire statistique et données massives. Et nous sommes également en compagnie de Quentin Lazzarotto. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes réalisateur de documentaires et de web-séries et vous avez co-signé tous les deux ce très beau livre illustré Dingue de maths, intitulé Dingue de maths, donc aux éditions EPA et dans lequel nous allons piocher tout au long de cette heure de nombreux exemples fascinants illustrant cette richesse des maths. Mais avant d'entamer ce périple mathématique, il est l'heure de retrouver celle qui a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois, il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Rien que bonjour ça. Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature. L'intelligence artificielle peut aider les mathématiciens à trouver de nouveaux théorèmes. Oui, comme le rappellent les auteurs de cette étude, la pratique des mathématiques consiste à découvrir des modèles, à les utiliser pour formuler et prouver des conjectures, pour établir des théorèmes. Alors depuis les années 60, les mathématiciens utilisent des ordinateurs pour découvrir de nouveaux modèles. Cette idée a été prolongée par les chercheurs de DeepMind, l'équipe d'informaticiens qui a créé le premier programme informatique à remporter un tournoi au jeu de Go. Les chercheurs ont utilisé le machine learning pour découvrir des liens inattendus dans le domaine des mathématiques. Selon eux, l'apprentissage automatique pourrait être un nouvel outil très précieux dans la recherche mathématique. Susanna Zimmermann est maître de conférence en mathématiques à l'Université d'Angers. Dans cet article, il est proposé un programme AI qui soutient des mathématiciens en maths pure à partir de ces relations entre des domaines, entre des formules, entre des données que l'AI trouve. On propose une hypothèse et les mathématiciens ensuite, ils veulent la montrer. C'est trouver des relations assistées avec des ordi. En général, qu'est-ce qu'un mathématicien, une mathématicienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des objets, ils les étudient. Et il montre des faits, il montre des théorèmes. Donc, par exemple, le théorème de Pythagore, on a un triangle droit dont un angle est 90 degrés et on a les côtés, on les appelle A, B et C, et le côté le plus long, il s'appelle C, l'hypoténuse. Et on a le théorème de Pythagore, il dit A carré plus B carré égale à C carré. Les carrés des côtés satisfont une équation. L'AI, il propose cette relation basée sur des données réelles. Il apprend sur des exemples et ensuite il propose, il y a une relation entre les côtés et les mathématiciens, il prend cette suggestion et il va montrer que cette relation elle est vraie pour tous les triangles. Les auteurs, ils ont programmé un programme intelligence artificielle qui a regardé certaines données sur des nœuds, qui sont des objets mathématiques, et certaines données des fonctions, des polynômes, et on fait une liaison et ensuite l'intelligence artificielle a trouvé des relations entre les données différentes. Les mathématiciens ont pris cette relation, ont essayé de la montrer, et en fait, il se trouvait qu'elle n'était pas toujours vraie. Donc, ils ont lancé encore une fois ce programme en y ajoutant d'autres données. Avec ces données en plus, l'intelligence artificielle, elle a trouvé d'autres relations, et cette relation, les mathématiciens, ils ont montré qu'elle était correcte. Donc, ils ont trouvé un nouveau théorème, une nouvelle relation qui n'était pas connue avant, basée sur le fait que l'intelligence artificielle l'avait proposé. Donc, moi, je trouve très intéressant ce qu'ils font. Je trouve ça très prometteur. Et on discutera sans doute de tout ça avec nos invités dans l'émission. Mais avant ça, comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Les chercheurs ont découvert un deuxième type du variant Omicron. Oui, il existe deux lignées au sein d'Omicron. Des chercheurs britanniques ont découvert le variant BA2, génétiquement différent de la lignée BA1, la lignée originale. Alors, génétiquement très proche du premier type, cette sous-lignée présente quelques mutations différentes et surtout, elle a perdu sa mutation sur le gène S, sur la protéine spike, qui rend Omicron si identifiable. Par conséquent, les chercheurs craignent qu'il puisse être plus difficile à traquer et qu'il faille essentiellement passer par le séquençage génomique pour le suivre. Il a été prénommé l'Omicron furtif, mais seulement 7 cas ont été identifiés à ce jour. En bref toujours, c'est aujourd'hui le lancement du IXPE, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Oui, J'y suis arrivé. C'est le nouveau télescope de la NASA et de l'Agence spatiale italienne. Ce satellite est équipé d'un nouveau type de détecteur pour mesurer la polarisation des rayons X et pour étudier plus finement les trous noirs, les étoiles à neutrons et les supernovae. L'IXPE s'inscrit au cœur du programme Explorer de la NASA. Le lancement aura lieu par un lanceur Falcon 9 ce soir au Centre spatial Kennedy en Floride à 19h. Et enfin, selon une étude parue dans Proceedings of the Royal Society B, le chant des diamants mandarins, une espèce d'oiseau australien, influence le développement de leurs poussins. Oui, lorsque ces oiseaux tropicaux couvent leurs œufs et que les températures dépassent les 26 degrés, les diamants mandarins chantent des appels de chaleur. Des chercheurs australiens ont étudié l'impact de ces signaux acoustiques sur le métabolisme et le développement des embryons à naître. Ils ont étudié 46 œufs dans un incubateur. Ils ont été exposés, ou non, à ces chants et à différentes températures. Puis, des examens sanguins des oisillons ont montré que ces appels de chaleur ont modifié les fonctions mitochondriales des globules rouges des petits. Les mitochondries, ce sont un peu les centrales électriques d'une cellule. L'exposition prénatale à ces chants influence donc la croissance des œufs pour rendre les poussins plus adaptés à la chaleur. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Nous allons parler tout au long de cette heure de mathématiques. Mais avant de plonger dans cet océan de maths qui nous entoure, avec vous Avner Barène et Quentin Lazzarotto qui co-signaient le très beau livre « Dingue de maths », j'aimerais vous poser à tous les deux une question un peu personnelle, Avner Barène, pour commencer. Qu'est-ce qui vous a amené aux mathématiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à retracer ou est-ce que c'est un long processus? Bon, un petit peu le hasard, je pense. Je pense que lycéen, voire même étudiant, j'étais au moins aussi intéressé par ma vie sociale que par ma vie scolaire. Mais j'avais une curiosité, j'aimais bien comprendre. Donc les maths ont pour moi été l'outil pour comprendre ce qu'il y avait autour de moi. Ça aurait pu être l'électronique, ça aurait pu être le jardinage. Mais je me sentais plus à l'aise avec les mathématiques pour comprendre ce qu'on voit autour de nous. Donc c'est un peu ça qui m'a amené d'abord sur les maths, puis les statistiques et puis petit à petit sur l'enseignement et la recherche. Qu'est-ce qui vous charme particulièrement dans cette pratique-là, dans cette perspective-là sur le monde ? Ce qui, pour moi, c'est un outil pour comprendre mon environnement, les questions qu'on peut se poser autour de, et ces questions évoluent évidemment avec le temps, hein, que ce soit des nouveaux variants, que ce soit des nouvelles questions d'intelligence artificielle ou d'intelligence pas artificielle. Donc toutes les questions qui nous entourent. Bon, on peut pas toutes les aborder, donc évidemment, hein, on a 24 heures et d'autres choses à faire. Mais c'est cette envie de comprendre, de pouvoir un petit peu voir comment on pourrait aller un petit peu plus loin, creuser un peu la question, pousser notre imagination qui m'a amené, qui m'amène encore au plaisir de faire de la recherche en mathématiques et en statistiques plus particulièrement. Quentin Lazzarotto, même question. Vous n'êtes pas mathématicien, comme je le disais en introduction de cette émission, mais qu'est-ce qui vous a séduit, en tout cas, dans ce travail autour de ce livre Dingue de maths, avec cette discipline-là, la mathématique, comme on l'appelle un petit peu de façon canonique? Votre question m'a fait penser à mon prof de physique au lycée, parce que j'étais fan de physique, moi j'adorais ça. Et il m'a dit, Lazzarotto, parce qu'il nous appelait avec nos noms de famille, la physique sans les maths, vous irez pas loin. Et c'est vrai que j'étais pas très fort en maths. J'étais moins fort en maths. Et ensuite, je suis allé étudier le cinéma, qui était quand même ma première passion. Et les maths m'ont rattrapé, parce que j'ai fait mon premier stage, en fait, dans un festival qui s'appelle le Festival Paris Science, qui existe toujours et qui est un festival vraiment formidable qui permet de présenter des films, en tout cas la production française et internationale scientifique. Et là, j'ai vu des films sur les mathématiques et je me suis dit, c'est vrai que elles avaient quand même ce truc un peu épicé, ce truc un peu insolent aussi, parce qu'elles ont toujours raison et elles nous le montrent qu'elles ont raison. Et ça, voilà, je me suis dit, tiens, comment je pourrais rejoindre les mathématiques? Et à ce moment-là, un mathématicien qui s'appelle Cédric Villani cherchait quelqu'un pour faire des films sur les maths. Et je me suis dit, c'est vraiment un moyen de relier mes passions, la science et le cinéma. Et c'est comme ça que je suis retombé, disons, dans les mathématiques. Le propos de ce livre qui foisonne d'exemples, en fait, pour illustrer la présence, l'omniprésence des mathématiques autour de nous, le propos de ce livre, Avner Baren, est-ce que c'est pas finalement de sensibiliser un public qui est globalement souvent un peu intimidé, voire frileux avec les mathématiques? Alors, oui, il y a tout un public frileux et intimidé par les mathématiques. Il y a aussi on n'arrête pas de dire que les mathématiques sont partout. Et donc, on voulait l'illustrer par d'autres exemples que ce qu'on voit très classiquement. Donc, on a essayé justement de faire foisonner des exemples, parce que, comme la musique, on ne peut pas aimer toutes les mathématiques, mais on ne peut pas non plus haïr toutes les mathématiques, comme on ne peut pas haïr toute la musique ou aimer toute la musique. Et donc, chacun puisse trouver, je dirais, les choses qui lui plaisent ou qui ne lui plaisent pas, qui vont l'attirer. Et c'était ça le but, plus qu'un livre qui se lirait de la page 1 à la page 350. Évidemment que ça permet d'ouvrir sur des choses, et si ça permet de comprendre, c'est parfait. Quentin Lazzarotto. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Avner, et c'est aussi un livre illustré, et c'est important parce que illustrer les mathématiques, c'est un vrai défi. Un des premiers films que j'ai réalisé, c'était un film sur un mathématicien qui s'appelle Lagrange, et j'avais ouvert son livre qui était La mécanique analytique, et il disait « Cher lecteur, dans ce livre, vous ne trouverez aucune figure ». Il y a un plaisir du mathématicien à travailler dans l'abstraction pure. Et en tant que réalisateur, ce qui est mon cas, il y a un vrai défi à trouver ces images-là. Et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est quand l'éditrice nous l'a proposé, Laurence Lehoux, c'était qu'il y avait ces images. Et tout de suite, je lui ai proposé, est-ce que tu serais d'accord que ces images ne soient pas que des images pédagogiques ou d'illustration directe du texte, mais au contraire des images de la vie de tous les jours, des images de films, des images de musées, des images vraiment comme on peut en voir partout autour de nous, et qu'on décrypte où est-ce qu'il y a des mathématiques là-dedans. Et elle m'a dit d'accord, c'est parti, et c'est un peu ce qui a, pour moi, c'est un peu ce qui m'a motivé dans cet ouvrage. C'est ce qui fait que, par exemple, on peut croiser Cary Grant en train de nouer son nœud de cravate. Exactement. Puisque les mathématiques ont à voir, évidemment, avec les nœuds de cravate. Avner Baren, on parle des mathématiques. J'évoquais tout à l'heure la mathématique. À ce micro, tous les jours, on pousse nos invités à définir ce dont on parle. Là, c'est la question à 1000 euros. Comment est-ce qu'on définit les mathématiques? C'est pas un tout homogène. Comment vous définissez votre discipline? Alors, classiquement, on dit la mathématique pour parler de la science mathématique, et puis les mathématiques pour parler des calculs mathématiques. Ça, c'est historiquement, c'est ce qu'on fait. Je pense que, comme dans un certain nombre de domaines, la statistique, les statistiques ou autres, c'est probablement une frontière qui s'estompe avec le temps, et peut-être que c'est un débat certes intéressant, mais qui est peut-être pas qu'on pourrait peut-être réserver à certaines soirées, un verre de whisky à la main, voilà, ou au coin du feu. Définir les mathématiques, c'est effectivement assez compliqué en tant que tel, et les frontières, surtout avec les sciences autour, sont assez floues, et suivant les époques, on n'a pas défini les maths de la même manière. Chez les Grecs, la musique est fait partie des mathématiques, la géométrie aussi, et au même titre que donc le calcul ou l'algèbre. Donc il y a une version assez fluctuante suivant les époques, et c'est normal, puisque suivant les moments, on ne va pas étudier les mêmes choses en mathématiques. Je me posais un peu la question, et pour moi, je pense qu'on commence les maths quand on dit soit quelque chose. Alors, les statisticiens vont dire soit x1, xn, un échantillon, soit une surface qui a quelque chose, soit ceci. Et là, quand on dit soit, on commence l'abstraction, on commence à se représenter un objet, et on va commencer à voir comment on va pouvoir définir des choses autour de cet objet, et qu'est-ce que donne cette cohérence ou non, de cette construction. Ah. Donc pour moi, voilà, les maths commencent à partir de l'abstraction, mais il y a d'autres manières que les maths de faire de l'abstraction. Et Avner Baren, là, vous évoquiez un petit peu les différents champs des mathématiques. Entre un algébriste, un géomètre, un analyste, un statisticien, quelles sont les porosités? Est-ce que c'est justement ce soi, cette abstraction et cette faculté de liberté immense, finalement, qu'ont toutes ces disciplines mathématiques? Alors, la science a tendance à se spécialiser et c'est donc un vrai effort d'être capable de discuter et de entre différents pans des mathématiques. C'est aussi, un travail de la communauté d'avoir des ponts, soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et on espère que ce livre ouvre des ponts vers des gens qui ont d'autres passions, d'autres thèmes de recherche, d'autres intérêts dans la vie. Et donc, ouvrir sur autre chose, ça nous paraît important. Je pense que la curiosité, l'envie de comprendre ce que font les autres, je pense que c'est la base d'aller voir vers les autres pour pouvoir discuter, soit intra-mathématiques, soit maths et art ou cinéma, comme on a pu le faire avec Quentin à travers cet ouvrage. Quentin Lazzarotto, vous, de l'extérieur, vous qui n'êtes pas mathématicien, comment vous percevez ces savants qui travaillent autour de cette discipline, la mathématique, et quel pont vous avez pu voir s'établir entre ces différentes disciplines qui composent les mathématiques, l'algèbre, je le rappelais, la géométrie, etc. Alors là-dessus, il y a une histoire drôle, en tout cas que moi j'espère drôle. C'est si on imagine des groupes de scientifiques qui sont en voyage et qui voient un mouton noir en Écosse à travers le train. Et alors on raconte que le groupe des biologistes va expliquer aux autres qu'il existe des moutons noirs dans ce pays. Le groupe des physiciens va dire, attention, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il existe au moins un mouton noir en Écosse. Mmh. Et le groupe des mathématiciens, qui va prendre la parole en dernier, va dire non. La seule chose que nous pouvions dire, c'est qu'il existe au moins un mouton en Écosse et qu'un côté de ce mouton est noir. Et c'est de l'humour évidemment, mais je trouve qu'elle est assez métaphorique quand même sur cette idée que en mathématiques, on est quand même au maximum d'une forme de scepticisme et de besoin de recherche de la preuve. Mmh. Et ça, je trouve que ça me les rend très sympathiques. C'est des gens qu'on peut pas convaincre ou persuader juste avec des mots. Il faut y aller avec des conjectures et avec des preuves. Mmh. Un autre exemple, c'est l'hypothèse de Riemann, qui est une hypothèse très célèbre. Si vous la résolvez, vous pouvez gagner $1 million. Et elle a à voir avec la répartition des nombres premiers, ces fameux nombres qu'on ne peut diviser que par un ou par eux-mêmes et en trouvant un nombre entier. Et ces nombres sont répartis bizarrement, enfin étonnamment, le long de l'échelle des chiffres et des nombres. Et aujourd'hui, cette hypothèse, on peut vérifier 10 000 milliards d'exemples qu'elle fonctionne. Mais on n'a pas la preuve. Et tant qu'on ne l'aura pas, les mathématiciens considéreront que ça n'est pas prouvé. Avner Baren. Oui, je trouve que la notion de preuve est vraiment intrinsèque aux mathématiques. On n'est pas dans la notion de « je crois dans la science ». On est dans la notion « je prouve, je démontre ». Et c'est profondément démocratique, parce qu'un étudiant peut demander à quelqu'un qui est tout à fait reconnu de prouver les choses. Mmh. Et tant qu'elles ne sont pas prouvées, il n'y a pas d'argument d'autorité. Il y a un argument de preuve. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable en termes d'échange au sein des mathématiques, au moins pour moi. Et comme le disait Quentin Lazzarotto, les mathématiciens sont difficiles à convaincre. Est-ce que vous êtes difficile à convaincre? Est-ce que vous estimez que vous êtes particulièrement plus tenace qu'un biologiste ou qu'un physicien? Alors, je ne pense pas être plus tenace ou plus obtus qu'un autre. Par contre, effectivement, quand on m'explique, ça m'amène des questions. J'ai envie de comprendre, d'aller plus loin, de savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Comment on peut expliquer ce qu'on est en train de dire? Pourquoi ce mouton aurait un côté noir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'il a un côté noir de l'autre côté, pourquoi? Ou ça fait autre chose? Allons voir un petit peu, puis posons-nous des questions. Eh ben, on va justement aller voir et puis se poser des questions après ce coup d'envoi autour des mathématiques. Et on va ouvrir les pages de ce livre dingue de maths. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On parle aujourd'hui donc de mathématiques et de ce livre dingue de maths écrit par nos invités Avner Baren et Quentin Lazzarotto, paru aux éditions EPA. Cédric Villani, Quentin Lazzarotto, qui signe la préface du livre, insiste beaucoup sur les 4 interviews de mathématiciennes et mathématiciens qui jalonnent ce livre. Ces 4 mathématiciennes et mathématiciens, ce sont Marie-Paul Cani, Lynn Billard, Étienne Gis et Gérard Berry. Pourquoi est-ce que c'était aussi nécessaire, finalement, selon vous, d'incarner cette discipline mathématique? Est-ce que c'est une discipline qui a plus que les autres besoin d'être incarnée par des personnalités et d'être accompagnée d'un récit particulier? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question en général. Pour moi, en tant que réalisateur, je suis obligé d'incarner. Je ne peux pas faire un film sur un théorème ou sur une conjecture. Il faut que je fasse un film sur des gens. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense ne pas être le seul, au sens où je pense qu'effectivement, parler des gens qui font les mathématiques, ça peut intéresser les gens qui ne seraient pas forcément enclins à s'intéresser aux maths. Ce n'est pas la seule façon d'intéresser aux maths, mais c'est en tout cas une façon importante. Ce qui est beaucoup fait, c'est de parler des mathématiciens et des mathématiciennes du passé, surtout des mathématiciens, parce qu'il y en a eu plus. Mmh. Mais maintenant, on est en train un petit peu justement de ramener les mathématiciennes aussi, et c'est bien. Mais découvrir comment un mathématicien et une mathématicienne travaillent, c'est vraiment fascinant. Et du coup, c'était en discutant avec Laurence, notre éditrice, que je me suis dit, ce serait bien que ce livre témoigne quand même de la vitalité des mathématiques. Les mathématiques françaises sont les mathématiques les plus fortes au monde. Et il fallait qu'on montre ça. Et puis, il y a aussi un petit peu l'idée d'inspirer les plus jeunes. Parce que c'est quoi être mathématicien ou mathématicienne? C'est pas évident de le savoir. D'ailleurs, Cédric, que vous avez cité, Cédric Villani, en parle dans sa préface. Lui, il adorait les mathématiques quand il était enfant. Il n'avait aucune idée qu'on pouvait être mathématicien. Donc, c'est ce qui nous a un peu poussé à faire ces rencontres pour effectivement humaniser ces mathématiques, mais pas les humaniser seulement par des portraits de gens incroyables, parce que c'est un petit peu le risque quand on vulgarise uniquement par les hommes et les femmes qui font, c'est qu'on peut se dire « moi, je ne suis pas Einstein, donc je n'y arriverai jamais ». Mais c'est de montrer vraiment le concret de la vie des mathématiciens et des mathématiciennes. Et je les remercie tous les quatre, parce que leurs histoires sont vraiment très touchantes. Avner Baren. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le côté incarné. Et puis, on voulait montrer le côté maths dans tous les jours, donc le côté vivant de la discipline. Peut-être que ce que je rajouterais, c'est que l'enseignement des maths suit le côté historique. On commence dans l'Antiquité, le dénombrement, on arrive sur les Grecs, où on passe beaucoup de temps, la géométrie, Thalès, Pythagore, etc. On va passer sur les équations, plutôt Moyen-Âge, 16e siècle, etc. Et concrètement, il faut arriver dans les études guides supérieures, l'université, les écoles, pour qu'on commence à parler de mathématiciens vivants. Et comme beaucoup de gens ont arrêté les maths avant la thèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la plupart des gens, on n'a côtoyé que des mathématiques de gens du passé. Et donc, ça donne aussi cette image image de science morte, alors qu'au contraire, on est dans une période extrêmement dynamique, extrêmement vivante. Et donc, les interviews étaient aussi une manière de montrer la vitalité de la discipline et la richesse du sujet. Quentin Lazzarotto. Oui, et pour donner quand même un petit exemple aux auditeurs, une des interviews, c'est Lynn Billard, qui est une mathématicienne australienne qui a travaillé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ce qui est fou, c'est que son interview nous permet de nous rendre compte à quoi sert les maths, cette fameuse grande question que tout le monde se pose et que tout élève s'est un jour posé, mais à quoi ça va bien pouvoir me servir? Quand on s'arrache les cheveux sur un problème et qu'on n'est pas forcément fortif. Exactement. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un mathématicien, une mathématicienne pour expliquer à quoi ça sert. Et elle a travaillé sur les statistiques de l'épidémie de sida au tout début de l'épidémie, au début des années 80, quand c'était une maladie dont on parlait pas beaucoup, dont on comprenait pas vraiment son fonctionnement, qui avait une période d'incubation, donc entre le moment où on attrape le virus et le moment où la maladie se déclare, qui était assez longue et qu'on estimait à 2 ans. Et elle, ses travaux statistiques ont montré que c'était pas 2 ans, mais plutôt 8 à 10 ans. Et que du coup, on n'était pas face à une crise sanitaire qui concernait des milliers de personnes, mais plutôt des millions. Mmh. Et là, elle change la vie des gens et elle change la face du monde. Mmh. Les mathématiques peuvent faire ça. C'est intéressant que vous preniez cet exemple de santé publique et de cette prédiction et de ce modèle, puisque ça fait partie des 4 grands axes de ce livre Dingue de maths que vous avez choisi et que je trouve très intéressant. Vous avez pris 3 grands verbes pour désigner les mathématiques. 4, et j'ai dit 4 tout à l'heure. 4 grands verbes, pardon. Dénombrer, prévoir, coder, créer. Pourquoi cette évidence-là, Avner Baren, dans cette division en 4 temps des mathématiques? Déjà, on a pris 4 verbes parce qu'on voulait montrer un aspect action des mathématiques. Donc, cette action pouvant effectivement se décliner sur les quatre thèmes, donc de dénombrer, créer, prévoir. Et coder. Et coder. Donc ça nous semblait une division sur ces quatre actions. On aurait probablement pu en choisir d'autres, mais l'idée de découper sur quatre verbes et non pas sur algèbre, géométrie, nous paraissait représenter une manière d'illustrer la présence des maths sous différents aspects. En parcourant ce livre et en lisant ces pages, notamment en lisant le chapitre sur dénombrer, Quentin Lazzarotto, je me suis posé la question de savoir si finalement l'humanité était une espèce mathématique qui avait besoin de dénombrer. C'est une vaste question qui mériterait sans doute un colloque de quelques mois, voire quelques années. Mais voilà, vous prenez par exemple un exemple d'un vieil os gravé qui s'appelle l'os d'Ishango, qui a environ 20 000 ans, et qui témoigne peut-être d'une première activité de dénombrement. Est-ce que c'est ça la genèse véritable des mathématiques, c'est cette volonté de dénombrer? Alors déjà, je parlerai de l'os juste après, mais par rapport à votre question, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'homme est-il un animal mathématique? Alors l'homme, je ne sais pas, mais Galilée disait que les mathématiques, c'est le langage dans lequel les lois de l'univers sont écrites, sans le moyen desquelles il est humainement possible d'en comprendre un mot. Oui, les mathématiques, c'était Dieu, presque, à ce moment-là. La question de est-ce qu'elle préexiste à l'humain ou non, c'est une vaste question. Mais c'est vrai que beaucoup d'archéologues se sont posé la question de quand commencent les mathématiques. Alors, je crois que ce sera difficile d'avoir une réponse. Mais il y a effectivement ces os qui ont été trouvés à Ishango, donc c'est au Congo. Enfin, aujourd'hui, c'est en République démocratique du Congo, par un archéologue qui s'appelle Jean de Heiselin. Je ne sais pas exactement comment on dit son nom. Au bord du lac Édouard, en fait. Et ces os, ils ont des entailles. Voilà, des petites encoches qui sont regroupées. Et on trouve des groupes, donc par exemple 11, 21, 19 et 9, par exemple. Et alors, si on veut s'amuser à faire un peu de maths, on peut se rendre compte que 11, bah, ça fait 10 plus 1, 21, ça fait 20 plus 1, 19, ça fait 20 moins 1, et 9, ça fait 10 moins 1. Hasard ou non? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui comptait ses moutons, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire du calcul? Il y a d'autres, coïncidences comme ça qui sont assez troublantes sur ces os. Évidemment, on est dans une forme de mathématique fiction, on ne sait pas si c'était un outil mathématique, mais l'idée de dénombrer, effectivement, paraît quand même assez nécessaire, assez vite. On le retrouve après chez les Égyptiens, on va le retrouver dans plein de civilisations. Et c'est vrai que les mathématiciens s'énervent souvent quand on dit qu'ils sont bons en calcul, qu'ils sont bons en comptabilité. Souvent, ils sont assez mauvais en comptabilité, d'ailleurs, ce que j'ai pu observer. Mais en revanche, ils sont très bons pour dénombrer. Et il y a une distinction qui est importante. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce chapitre « Dénombrer ». Et juste pour finir sur votre question sur les chapitres, il y avait aussi une dimension qui m'intéressait, moi, dans le choix de ces verbes, c'est l'inattendu. C'est-à-dire que on n'imagine pas que les mathématiques puissent prévoir. On n'imagine pas qu'elles puissent créer. Et pourtant, elles le peuvent. Eh bien, on va en parler, bien évidemment. Avner Barène, si on reste dans cette faculté de dénombrement que nous procurent les mathématiques, très vite, on parle en termes de milliers d'années, mais très vite après ça, donc vers moins 3000 ans, à peu près partout, dans toutes les civilisations, apparaît la capacité de produire une numération écrite. Est-ce que là, c'est pas finalement la toute première abstraction mathématique, le fait de mettre dans des signes des réalités extérieures? Alors, ce qu'est l'abstraction, c'est de désigner de la même manière trois moutons, trois chèvres ou trois voisins. Donc, c'est l'abstraction, elle va être de s'extraire de l'objet pour arriver vers une numération qui indépendante de l'objet. Et à partir de là, on va pouvoir commencer effectivement à faire des additions, des soustractions. Imaginez d'avoir des nombres négatifs, par exemple, d'avoir le zéro, d'avoir... Et donc là, on va commencer à avoir du dénombrement, effectivement. Quelle distinction on peut faire entre dénombrement et calcul, puisque c'est une distinction précieuse et importante à faire? Alors, dénombrer, c'est savoir combien il y en a. Le calcul, c'est savoir quelle opération on va pouvoir faire dessus. Et pour rebondir, il m'arrive de manière un peu provocatrice, quand on dit si on veut compter, ben c'est pas les mathématiciens qui comptent, c'est les comptables qui comptent. Voilà, donc ce qui est tout à fait un métier intéressant, mais c'est pas le même métier que mathématicien. Donc le calcul, ça va être, une fois qu'on a dénombré, on va avoir des objets, et puis on va mettre longtemps, on va aller jusqu'au 19e siècle pour comprendre un système, comment définir les nombres à peu près correctement, à peu près proprement, même début 20e, où on va se reposer des questions sur comment on construit ces ensembles de nombres. Mmh. Et le calcul, ça va être les opérations qu'on va faire à partir de ces objets qu'on aura plus ou moins proprement définis selon les époques. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'un documentaire que vous avez réalisé en 2015, Quentin Lazzarotto. Il s'agit d'Einstein et la relativité générale, une histoire singulière. Paris, 1922. J'étais là et on attendait de moi que je parle du temps. J'en garde le souvenir qu'on en discutait beaucoup plus dans les salons de philosophie que dans les conférences scientifiques. En fait, ici, personne ne comprenait rien à ma théorie. En revanche, mon souvenir le plus marquant fut cette conférence au Collège de France. Un mathématicien français, Jacques Adamard, se leva, pointa vers moi un doigt menaçant, visant un soi-disant défaut dans ma théorie. Il faisait ressortir la faille mathématique qui m'avait échappé dans la solution de Schwarzschild. Voilà, ça c'est la solution de Schwarzschild en 1916. Donc, si je comprends bien, R c'est le rayon par rapport à un point central qui voilà, représente une étoile. C'est l'étoile et elle a une masse M. Oh, mais alors, on voit tout de suite qu'il y a un souci là, parce que si je regarde un rayon qui est égal à 2gm sur C carré, hein, ici, coefficient devient 0, ce qui n'est pas bon. Et ici, on a un 1 sur 0 qui vaut infini, ce qui est encore pire. Elle se casse la gueule, ta solution. La solution se casse la gueule, selon Cédric Villani, qui s'adresse à Jean-Philippe Usan. Avner Baren, jusqu'à quel point les mathématiques peuvent-ils mettre l'équation, le monde en équation? Et là, on prend un exemple typique, c'est Einstein, qui a quand même aussi, par ses équations, modifié notre rapport à l'espace, au temps. Alors, oui, justement, c'est intéressant. C'est-à-dire que sous certaines hypothèses, la mécanique newtonienne fonctionne très bien. Et puis, si on veut élargir ces hypothèses, on va arriver dans un cadre plus général. Donc, en gros, l'équation se casse la gueule sous le manque d'hypothèses. Il va donc falloir étayer la théorie, et c'est ce que fera Einstein petit à petit, pour arriver à un ensemble cohérent. Donc, il y a deux choses. Soit on améliore le calcul, soit on restreint l'ensemble d'applications. Et les mathématiciens vont travailler sur les deux aspects. Mmh. Et à partir de là, quelle capacité prédictive ça peut donner, puisqu'on avait parlé de dénombrer, prévoir, créer, coder, les quatre grands champs de ce livre-là, à partir de ces équations, comment on peut prédire des possibilités futures? De manière générale, ou grâce aux mathématiques? D'abord, la prédiction, c'est plutôt la boule de cristal. Oui. On parle plutôt de prévision. Même si le mot prédiction est en fin de compte un faux ami de l'anglais. Mmh. Ça a été combattu longtemps par l'Église, puisque c'était vouloir prendre le dessein de Dieu et même prévoir la météo. Donc la prévision, on le voit tous les jours. On veut savoir le temps qu'il fera demain pour savoir comment on va s'habiller. On veut savoir le nombre de cas de Covid pour gérer l'hôpital, on veut savoir qui va gagner le prochain match de foot. Donc la notion de savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est quand même quelque chose qui est assez intrinsèque à l'humain. Et pour prévoir, il faut déjà comprendre ce qu'on a. Donc c'est là où la modélisation va permettre de structurer le problème, de l'abstraire, exactement comme sur la numérotation. Et la prévision, ça va être ce que vous appeliez le calcul, de manière générale, sur ces modèles, pour être capable de répondre aux questions. Parce qu'on peut prévoir un tas de choses, mais concrètement, ce qu'on aimerait bien, c'est répondre aux questions de prévision qu'on se pose. Puisque vous parlez de ce mot qu'on entend beaucoup depuis le début de la pandémie mondiale de Covid, le mot de modèle, j'aimerais qu'on s'extrait un temps de la réalité grave et qu'on parle d'un sujet peut-être un petit peu plus prosaïque, le football. Dans le livre, vous évoquez un modèle d'équilibre et vous évoquez notamment la théorie des jeux et un certain équilibre de Nash en lien avec les pénalties. Que doivent les pénalties aux mathématiques et comment les mathématiques illustrent-ils, comprennent-ils les pénalties qui sont quand même un mystère pour tout amateur de foot? Alors, peut-être qu'on peut commencer pour dire que l'aspect donné dans le sport et modélisation est de plus en plus présent. Hein, si vous regardez n'importe quel match de foot, vous voyez le nombre de kilomètres qu'a parcouru chaque joueur. Et c'est parce qu'il y a un GPS sur chaque joueur, il y a un GPS sur le ballon, et il y a beaucoup de travail sur de modélisation à partir de ça. Le penalty, c'est un moment particulier parce que il peut pas y avoir d'entraînement. Vous pouvez vous entraîner à tirer dans un ballon en face d'un gardien, mais quand vous êtes en finale de la Coupe du Monde, c'est un peu une autre histoire. Donc c'est la tension, etc. Donc il y a un travail de modélisation, puisqu'en gros, le gardien doit savoir s'il va sauter à droite, à gauche, le tireur va savoir s'il doit tirer à gauche, à droite. Et là, tout bon entraîneur sait comment le gardien réagit en général et comment le tireur a l'habitude de tirer. Et on voit tout un jeu du gardien pour essayer de tromper le tireur et le tireur pour tromper le gardien. On voit même un quart de finale de Coupe du Monde où le gardien sort son petit papier de sa chaussette pour se rappeler qu'est-ce que fait le tireur en face. Quelles sont ses habitudes de tir. Donc ça, c'était pour nous une manière d'illustrer de manière concrète comment fonctionnent ces équilibres qui ont été beaucoup travaillés en économie. Et Nash, c'est ce qui l'intéresse, l'économie. Et puis ça l'intéressait à une époque, il l'a fait au Rand, donc... organisme militaire au moment de la guerre froide, donc les équilibres, pareil, est-ce qu'on attaque, on n'attaque pas. Donc tous ces jeux d'équilibre ont amené ce très beau résultat de Nash qui est fait dans un article de 2 pages, et qui en fin de compte est assez simple, mais qui justement tout l'art de modéliser, de montrer comment on va équilibrer dans un jeu à force. Il aura le prix Nobel d'économie pour ça, il aura le prix Abel... Ces travaux continuent à être étudiés parce que des jeux à choix, il y en a tous les jours aussi. Et comment ils s'équilibrent, les quotas de pêche, par exemple, en sont un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de quotas de pêche, d'économie et de pénalty, et que le ciment de tout ça, ça reste les mathématiques. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre notre déambulation dans ce monde dans un instant. Ce sera juste après ça. Idle Guilt par Vincent Brix, a retrouvé sur son album The Perfect Sadness, sorti récemment dans La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'omniprésence des mathématiques dans nos vies à travers ce très beau livre Dingue de maths paru chez EPA. Avec ses auteurs, Avner Barène, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire statistique et données massives, et Quentin Lazzarotto, réalisateur de documentaires et de web-séries. Mais avant de continuer cette émission, il est l'heure d'en venir au reportage du jour. Il existe un lien important entre l'art et les mathématiques. C'est particulièrement le cas en musique. Bonjour Loïc Dutoit. Bonjour Antoine. Vous avez répondu à l'appel du piano et vous vous êtes allé à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, qui travaille justement sur ces liens entre mathématiques et musique. Exactement. Je suis allé à la rencontre de Moreno Andreatta, directeur de recherche CNRS, qui travaille à l'IRCAM sur ses rapports entre mathématiques et musique. Dans l'histoire, ces deux disciplines ont évolué ensemble depuis les expériences de Pythagore avec son monocorde. Moreno Andreatta s'intéresse à ce qu'il appelle des dynamiques mathémusicales. Il utilise notamment ce qu'on appelle des cycles hamiltoniens pour trouver des suites d'accords qui soient musicalement intéressants. Ces cycles correspondent à différents chemins qui permettent de passer par tous les points d'une figure en une fois et une seule. Par exemple, sur un échiquier, un cavalier peut passer par toutes les cases sans jamais passer 2 fois par la même. Son déplacement suit alors un chemin hamiltonien. Ces chemins découlent directement de la théorie des graphes mise en évidence par Euler au XVIIIe siècle. L'utilisation de ces procédés mathématiques permet à Moreno Andreatta de composer différentes musiques, mais aussi d'harmoniser certains tubes comme The Gunner's Dreams de Roger Waters, célèbre bassiste et chanteur des Pink Floyd. Euler, l'inventeur de la théorie des graphes, en 1773, invente une représentation qu'il appelle le speculum musicum, donc le miroir de la musique ou des musiciens, un espace dans lequel, en fait, imaginez des triangles dans les plans, dans lesquels chaque triangle correspond à un accord soit majeur, soit mineur, et en fait, on peut trouver toutes sortes de parcours qui permettent, du coup, de passer par tous les triangles majeurs et mineurs et revenir au point de départ. À partir du parcours le plus simple, qui est les zigzags, c'est-à-dire là, j'alterne tout simplement deux symétries, deux des trois symétries de tout à l'heure. Donc, je suis parti des Do majeur, je continue. Encore un peu. Et me voilà, à nouveau, à Do majeur. Hein. Donc, j'ai fait les 24 accords majeurs et mineurs. Pourquoi 24? Parce qu'il y a 12 accords majeurs et 12 accords mineurs. Ça fait 24 au total. Et on a fait ce zigzag en passant à chaque fois d'un accord majeur à un accord mineur. Voilà, en alternant majeur et mineur. Alors, on peut s'amuser à retrouver hein, dans l'histoire de la musique, dans le deuxième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Donc, il ne va pas parcourir les 24 accords, mais il arrive jusqu'à 18, en fait. 18 sur 24, c'est déjà pas mal. Ça, c'est le point de départ pour un travail qu'on peut faire, un travail que j'ai fait, en fait, vraiment d'exploration des cycles hamiltoniens. Il y a vraiment de quoi pouvoir utiliser de façon créative. Hein. On peut trouver des cycles qui sont très redondants, comme les zigzags. On peut trouver des cycles un peu plus intéressants, que j'utilisais d'ailleurs dans sa chanson « La sera non è più la tua canzone » sous texte de Mario Luzzi. Donc, caduto più che un segno della vita, riposi, dal viaggio sei tornata dentro di te, sei scesa in questa pura sostanza così tua, così romita nel silenzio. Dell'essere, nel silenzio dell'essere. Et me voilà, au point de départ, en la bémol. Pareil, j'ai fait les tours des 24 accords majeurs et mineurs, de façon on ne se rend pas compte. En fait, on est comme dans un bateau transporté. Grâce en fait, au fait que, d'un point de vue mathématique, on est dans un espace topologique avec une belle structure dans laquelle on peut se balader sans avoir l'impression qu'on est en train de changer d'univers. Si on étend un petit peu l'espace et au lieu d'avoir que des accords majeurs et mineurs, eh bien, au milieu, on glisse un accord augmenté, voilà, qui permet justement de faire cette transition entre majeur et mineur. L'accord augmenté, je le rappelle, c'est un accord qui est engendré par l'intervalle des tierces. Donc c'est comme si on avait 0, 4, 4 et 4 fait 8, 8 et 4 ça fait 12, mais 12 est égal à 0, donc on est au point de départ. Ça permet de répartir de manière égale un octave. Pardon. Voilà, donc ça permet de répartir l'octave en trois notes, des parties égales, un peu comme l'accord diminué qui est le carré, la répartie de façon égale en quatre notes. Donc là, avec cet accord augmenté, eh bien, maintenant si on étudie quelque chose d'un peu plus complexe, c'est un graphe en fait qui contient les 24 accords majeurs et mineurs plus les accords augmentés avec toutes ces transpositions et en fait on peut parcourir ces graphes. Donc on peut trouver des cycles hamiltoniens sous ces graphes. Donc en petit calcul, on peut montrer en fait qu'il y a 1296 cycles hamiltoniens sous ces graphes en fait des accords majeurs et mineurs augmentés. Vous avez pas mal travaillé justement sur ce lien, comme on l'a entendu jusqu'ici, entre mathématiques et musique populaire. On a commencé par Beethoven, mais vous êtes pas mal intéressé à la musique populaire. Et justement, c'est possible de venir agrémenter certaines musiques populaires grâce à ces mathématiques, et c'est ce que vous avez fait. Voilà, ce que j'ai essayé de faire à partir d'une chanson qui c'était The Gunner's Dream de Roger Waters. Cette chanson qui commence « Floating down through the clouds, memories come rushing out with me now, in the space between the heavens », etc. Donc là, on a, vous voyez, on en parle des do majeur, on a l'augmenté et les mineurs. Après, on a un autre majeur. Et après, la boucle se ferme pour revenir au point de départ et la chanson va ailleurs. Donc, je me suis dit, ici, en fait, il y a quelque chose d'hamiltonien. Hein, il y a de l'hamiltonien dans l'air, on pourrait dire. Et donc, l'idée, c'était de faire une harmonisation hamiltonienne qui puisse, en fait, prolonger cette parfum d'hamiltonicité qu'on trouve au tout début de la chanson et vraiment les prolonger tout au long de la chanson. Alors, j'ai trouvé, en analysant ces listings, parce qu'en fait, il faut vraiment... Là, c'est un travail musical que j'essaie de faire, c'est-à-dire trouver une bonne harmonisation. Donc, à l'intérieur de ces 1296 possibilités, trouver vraiment les cycles, et j'ai trouvé trois cycles hamiltoniens différents qui, en fait, permettent de couvrir entièrement la pièce, du début à la fin, avec donc trois cycles qui passent par tous les accords majeurs et mineurs augmentés une seule fois. Donc, c'est une harmonisation hamiltonienne qui donne voilà, quelque chose qui localement, en fait, respecte complètement la logique. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on sait qu'on est dans The Gunner's Dream. Par contre, c'est un paysage qui, globalement, ne ressemble pas du tout à la chanson d'origine parce que là, du coup, on a parcouru l'espace et même on a adapté, du coup, la mélodie pour vivre dans ces cycles hamiltoniens. Donc, pour donner une idée du résultat, ça fait « Floating down through the clouds, memories come rushing out to meet me now in the space. » Voilà, c'est là que ça commence à changer. Between the heavens in the corner of some foreign field, I had a dream, I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slow into the car, and the silver in your hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell, touch the silk in your lapel, and as it did uprise to meet the comfort of the band, you take her from your hand and hold on to the dream. Et je suis revenu au point de départ. Voilà, et je peux continuer. Avec un début de solo qui est exactement le même de la chanson originelle, mais qui... On est dans la même tonalité sur ce solo. Ouais, non, on a changé. Non, d'accord. Il y a de l'hamiltonien dans l'air grâce à Moreno Andreatta dans ce qui peut être sans doute le premier reportage musical de la méthode scientifique. On se disait qu'on allait peut-être chanter nos émissions à l'avenir à la suite de ce reportage. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Avner Barren, et qui, voilà, c'est l'un des pans clés de ce livre aussi, c'est de montrer en quoi les mathématiques accompagnent très fortement la création, à commencer par la musique. Alors, très, très joli reportage, très, très vivant. J'ai pas tout reprendre sur le reportage, parce qu'il est très bien fait. Et il y a beaucoup de choses, mais juste pour montrer quand même le côté vivant du dialogue ou des interactions entre mathématiques et musique. Et ça date probablement depuis Pythagore, puisque Pythagore, on parle souvent du théorème, mais c'est aussi la première définition d'une gamme musicale, hein, comment on va répartir, donc on en parle un peu dans le reportage, comment on va répartir un octave en 12 morceaux plus ou moins égaux, et donc Pythagore va avoir beaucoup de problèmes pour justement réussir à faire cette division en 12e, pour pas y arriver, hein, donc arriver jusqu'au 16e siècle, où on va faire des choses approximatives, hein, les gammes tempérées qui vont permettre qu'on fasse des instruments de manière industrielle, qu'on fasse des orchestres. Et puis, au 19e siècle, on sortira un peu de cette dictature de l'harmonie. Hein, certains Boulez, l'école de Vienne, donc, certains pensent que c'est une impasse, d'autres que c'est un début. Mais ce qu'on voit là, c'est que ça reste toujours très vivant. Et c'est pas uniquement de la musique expérimentale, parfois difficile à entendre. Ça peut être aussi dans la musique populaire. Hein. Bach faisait des essais sur ses gammes tempérées. Là, on entend des choses sur la musique populaire italienne. Donc, on voit que la musique qu'on entend se prête très bien à ce formalisme mathématique. Il y a toujours une grande fraternité entre musique et mathématiques, et vous l'évoquiez même tout à l'heure, au début des mathématiques dans l'Antiquité, la musique faisait partie des grandes disciplines mathématiques. Quentin Lazzarotto, une réaction à ce reportage? On dit parfois que la musique, c'est l'art de compter sans s'en rendre compte. Et je crois que là, c'est une belle illustration. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect intelligence artificielle dont ce mathématicien a parlé. Et l'intelligence artificielle, c'est évidemment hautement mathématique, et c'est aussi quelque chose qui fait peur. Et on n'imaginerait pas un monde où c'est l'intelligence artificielle qui chante à la place du mathématicien. On préfère entendre le mathématicien. Mais l'intelligence artificielle, c'est très lié aussi à la création, à la créativité. Et notamment dans notre ouvrage, Marie-Paul Cani, que nous avons interviewé, elle développe des solutions d'intelligence artificielle. Elle travaille notamment sur des surfaces qu'on appelle les surfaces implicites. Et elle, son idée, c'est l'intelligence artificielle ne va pas remplacer la créativité humaine, mais elle va la stimuler. Et en fait, grâce à ces surfaces, ces espèces de pâtes à modeler numériques qu'elle a, on peut comme ça créer des mondes, on peut créer des volcans, on peut créer des plaques tectoniques qui se rencontrent. Et c'est aussi un outil qui peut être utilisé pour la pédagogie. Mais ce que je vois là dans cet extrait, c'est vraiment les liens entre mathématiques et art, qui est quelque chose qui, moi, m'est très cher, que je trouve vraiment très intéressant. Et c'est la mathématicienne Sofia Kovalevskaya, une mathématicienne russe, qui disait que les mathématiques sont la poésie des sciences. Et il y a quelque chose d'hautement créatif dans les mathématiques. Et de les lier comme ça avec les arts, c'est quelque chose qui est assez contemporain et qui est assez à la mode et qui fonctionne plutôt bien, je trouve, dans la vulgarisation, dans les démarches de vulgarisation. Si les mathématiques sont la poésie des sciences, Lautré Hamon s'invite aussi dans votre livre à tous les deux, Quentin Lazzarotto et Avner Barène, puisque lui-même dit que la poésie est la géométrie par excellence. Tout est mathématique, du coup, tout est poétique, tout est mathématique et tout est lié, tout est dans tout, Avner Barène. Je sais qu'on est dans une émission très cinéphile. Et alors moi, il y a une métaphore que j'aime bien, mais qui n'engage que moi, c'est celle du Seigneur des Anneaux. Mmh. On peut distribuer dans le Seigneur des anneaux aux différentes civilisations. On pourrait imaginer que ces anneaux, c'est les différentes sciences. Mais il y en a un qui les rassemble toutes. Et on pourrait imaginer que ce soit les mathématiques. Après, est-ce qu'elle peut les contrôler, comme dans le Seigneur des Anneaux? C'est une autre question. Est-ce qu'elle rend fou ou pas? Sont un peu partout. Et quand j'écrivais ce livre, je me disais, j'avais une petite motivation, je me disais, je voudrais que ce soit comme, vous savez, ces espèces de lunettes de réalité augmentée qu'on peut avoir aujourd'hui et qui rajoutent des informations sur la réalité. Je me dis, après avoir lu Dingue de maths, on peut plus tourner la tête sans voir des mathématiques et des équations qui surgissent comme ça dans notre quotidien. Justement, puisque on parle de ces mathématiques omniprésentes, omnipotentes, omniscientes, Avner Barène, il y a bien des limites quand même aux mathématiques. Quelles sont les limites auxquelles se heurtent aujourd'hui les mathématiciens? Omniprésentes, oui, omniscientes, non. Si je file sur la métaphore de l'anneau, pour reprendre ce que dit Quentin, il n'est pas nécessaire d'être fou pour faire des mathématiques, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser. Mmh. Mais c'est aussi une des, je pense, des capacités des mathématiques et une des beautés des mathématiques d'être capable d'intégrer d'autres raisonnements et d'autres manières de penser, de s'ouvrir sur d'autres types d'imagination. Et en ça, c'est bien d'avoir une diversité. On a parlé, par exemple, de la place des femmes et on a été extrêmement attentif à mettre en avant autant d'hommes que de femmes dans ce livre. Sur l'omniscience, non, ne serait-ce que parce que les problèmes évoluent, les questions évoluent, et donc même si on avait résolu toutes les questions à un moment donné, on aurait des nouvelles questions, et ces nouvelles questions amèneraient des nouveaux outils à développer, nouveaux outils ou redécouvrir des outils qui à un moment ont été utiles. On a parlé par exemple des graphes, donc les graphes on en parle beaucoup aujourd'hui, Euler le voyait presque comme un objet d'amusement à travers des ponts de Königsberg, savoir s'il pouvait se promener au sein de la ville, Königsberg qui est pour s'en repasser par le même pont, ce qui va nous servir aujourd'hui pour faire des systèmes de recommandation de films, qui va nous servir pour faire des réseaux de routes, qui va nous servir dans plein de choses. Donc non, pas omnisciente, en aucun cas. Et c'est en ça qu'elles sont vivantes, c'est que le nombre de questions aujourd'hui qu'on se pose est à une époque scientifique extrêmement dynamique, et c'est pour ça qu'il y a un besoin de culture scientifique pour être citoyen, il y a un besoin de mathématiciens pour répondre à des questions, mais il y a surtout un besoin de culture scientifique. Je pense que la crise sanitaire qu'on vit le montre, les trous dans la raquette de la culture scientifique, et on espère justement à travers cet ouvrage développer la curiosité et l'intérêt. Mais les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas les questions qu'on se posera demain. Et donc, il y a omniprésente, oui, mais pas omnisciente. Alors, la question que je vous posais était peut-être plus du côté de ce à quoi se heurtent les mathématiques et qu'elles ne peuvent pas encore circonscrire. Je pensais par exemple à des questions aussi grandes et vastes que les systèmes complexes ou bien encore des systèmes chaotiques, des faits sociaux, des faits cognitifs, des faits psychologiques qui sont encore pas trop mathématisables, entre guillemets. D'abord, il n'y a peut-être pas besoin de tout mathématiser. Et même si on mathématise des choses, on peut garder quand même un aspect hors mathématique. Mmh. Heureusement, on peut penser, je ne sais pas, à la sociologie. Évidemment qu'on va avoir une quantification, mais on peut aussi avoir un aspect qualitatif. Et il y a une complémentarité entre les aspects. Certaines personnes de l'IA, comme Benji, tendent à dire que le cerveau n'a qu'un seul algorithme. On voit aujourd'hui que l'image, le son, tout ça commence à rentrer dans des systèmes relativement globaux. Mmh. On se heurte à des problèmes calculatoires, on se heurte à des problèmes conceptuels. En fin de compte, on a les mêmes limites à peu près selon toutes les époques, hein, puisque vous parliez de fortiches en maths, mais les gens fortiches se tapent des problèmes plus compliqués, et donc il y a un aspect moral où, en fin de compte, il faut dépasser certaines limites. Pour certains, ça sera leur intérêt des mathématiques, le côté défi. Nous, c'est plutôt dans la vie de tous les jours. C'est pas l'aspect concours, c'est pas l'aspect défi intellectuel, c'est l'aspect justement peut-être omniprésent, le fait que effectivement après ce livre, on voit des maths absolument. Oui, ça c'est peut-être un petit peu nouveau, Quentin Lazzarotto, cette faculté qu'ont les mathématiciens à vulgariser un peu mieux leur science. Et ça aussi, c'est l'une des clés pour toutes les disciplines scientifiques, mais particulièrement pour les maths, d'arriver à franchir ce cap de la vulgarisation. Effectivement, quand vous parlez des limites des maths tout à l'heure, il y a effectivement la limite scientifique, mais je crois qu'elle se heurte aussi à un défi d'attractivité quand même assez important. Donc nous, on espère y contribuer. Vous y contribuez. Avec Dingue de maths et moi aussi avec les films que je peux faire. Mais ça me fait penser à l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Donc on entendait Alexandre Astier qui prenait la voix d'Einstein. Donc ça revient à ce qu'on disait sur l'humanisation des mathématiques. C'est ce que je fais dans les films. Je donne toujours la voix en fait aux scientifiques, même s'ils sont plus là pour le faire. Dans ce cas-là, on prend des comédiens, mais ça me paraît très important. Et ensuite, on entendait Jean-Philippe Uzan et Cédric Villani discuter au tableau noir. Et ce qui est amusant, ce que j'ai découvert avec cette séquence en le passant auprès du public, c'est qu'ils sont au tableau noir. On entend cette crève, j'adore ce son. Oui. Et simplement, la seule chose qu'ils disent, c'est qu'il y a un 1 sur 0 égale l'infini qui arrive dans l'équation et que donc l'équation s'effondre. Et moi, je me disais, bon, évidemment, on pense au niveau du public auquel on s'adresse quand on fait les films, mais je me suis pas méfié, je me suis dit 1 sur 0, c'est quand même quelque chose qu'on apprend à l'école, on va s'en rappeler. Et les gens venaient me voir en me disant, j'ai rien compris à cette séquence. Alors, j'ai cru que c'était ce 1 sur 0. Et après, en questionnant un peu plus, en faisant des petits sondages, je disais, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi. Et les gens me répétaient, 1 sur 0, ça marche pas, etc. Je fais, donc tu as compris la séquence. Et ils me disaient, ah bon, mais il n'y a pas autre chose? Je dis, non, il n'y a que ça. Et là, les gens me disaient « Ah, mais parce qu'il y a, comme il y a un tableau noir, je pensais que forcément, je ne comprendrais pas. » Et donc, je crois qu'il y a effectivement une barrière mathématique qui est presque congénitale, presque qui vient sans doute de l'éducation aussi, qui est à franchir. Mais écoutez, on vous invite toutes et tous à franchir cette barrière-là en lisant ce magnifique livre Dingue de maths. Une annonce très courte à venir, Barène, sur l'actualité du livre. Oui, nous ferons une séance présentation et dédicace le vendredi 17 décembre au Musée des Arts et Métiers à 18h30, ce qui est gratuite évidemment, tout le monde est le bienvenu. Et nous ferons une animation scolaire, donc on est très content d'aller justement présenter les maths dans une école primaire à Augan, dans le Morbihan, le 14 janvier, on espère. On partagera l'information sur nos feeds Twitter. Merci beaucoup à tous les deux, Avner Barène, Quentin Lazzarotto, pour ce très beau livre Dingue de maths. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.